Je ne suis pas là pour faire des politesses. Parce que c'est dans ta nature. Tu as toujours été comme ça. Quelquefois, nous faisons les mauvais choix pour enfin comprendre où est notre place. Parfois je rappe sans refrain, je rappe sans refrain, je rappe sans receu, donc je rappe sans relais. Je rappe, je rappe toutes mes émotions, pas de copier-coller. Comprends que je n'ai pas le temps de jouer. Je rappe ma colère, mes coups de blues, mec t'adhères. Des mains le flot que je pousse, quelques carcasses flottent par terre. J'ai à peine commencé que déjà je les vois claquer des pattes. Flow moon, chaque sa bouche app. J'sors de la consigne, prends ta claque. Mon rap sort des égouts. T'as senti ça pue la street, c'est no time. J'rappe qui me tord les tripes, que les mecs fragiles craignent ma vibe. J'rappe tellement fort que ça cogne les gens vives et les gens savent. Mes sens sont affûtés, pas d'état d'âme. J'rappe ma folie, phrase et ma cam. Quand cela m'envoie la pépite, ça c'est ma gamme. Que les fils de lâche quittent de là, quittent la table avant le massacre. Je n'ai pas d'ennemis, ils sont coincés dans un cul-de-sac. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Parlez bien avec vos bouches. Découper les becs sales. La bête qui sommeille en moi étouffe les mecs sages. Mon rap c'est des cicatrices que je découpe dans l'arrière-salle. J'enfonce la mine dans mes blessures, voilà mon côté bestial. Tu voulais le bestial. Une boule de feu brûle autant qu'un froid glacial. Pardon. J'fume comme un tas de paille. Tâte pas dans le foie, tu t'écroules, je te dis bye bye. Je n'écris plus, je résiste, mon bon sens a pris la fuite. Mon rap c'est mon essence et je m'en tape des limites. J'emmerde ma conscience et je me fous qu'on m'admire. Demande pas la reconnaissance, seule la douleur m'anime. Je me sens vivant quand la souffrance me branche et m'active. Mon rap est pété au gaz, fêlé, assumé. J'emmerde vos soirées déguisées. J'ai pas de masque, si t'es sensible, mes coups de crayon risquent d'être trash. Mon rap il est triste, parfois nerveux. Écoute attentivement, t'en sortiras soucieux. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Des codes de mes codes, je ne suis pas ce produit formaté par l'école. Enfonce-toi dans les abysses de mon âme. Tu trouveras quelques cordes, quelques notes. Mon rap il est de spi, le classe pas dans une classe. Te base pas sur son visage. Tu trouveras quelques clopes, quelques roms. Ne fuis pas à son âge. Il fait partie de ces vieilles âmes qui traversent l'époque. Autrement dit, c'est le reflet du personnage. Des charges émotionnelles comme antidote. Mon rap te serre la gorge. Autrement dit, ce sont les pharmacies qui fournissent la drogue. Les fabricants de méthodes sont les fabricants du microbe. Alors c'est ça, mon rap est trop cash. Me tends pas la main, je mords. Mon rap est cet animal qui déborde. Poil hérissé quand une caresse me dévore. Mon cœur en forme de bâton dynamite. J'suis constamment dans l'effort. Mon rap c'est de l'amour brut. Singulière sont ses paroles. Sans costume, il peut laisser quelques plumes sur ton sol. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Autrement dit, je n'ai plus le temps de parler doucement. Trempé par la pluie, navigue sur les chutes à fond dans les vents, lissé dans la neige. Mes petits pas me rapprochent du soleil. La brume n'est plus un voile quand l'éternel ôte les œillères. Je rappe ma folie. Je rappe mes pensées noires. Négro de Jox. Des charges émotionnelles. Big up soldat cos la coste. Zachary aux manettes. Je rappe ma folie.